y a rien à faire. Je suis malheureux sans toi. Y a rien à faire. Tu me manques et puis voilà. Y a rien à faire. Les autres ne te remplacent pas. Y a rien à faire. J'ai beau essayer. Y'a que toi que j'aime comme ça. Y'a rien à faire. Pourquoi l'on ne se voit pas? Y'a rien à faire. Comment faire pour réparer tout ça? Y'a rien. Je suis en train de crever sans toi. Y'a rien à faire. Ne m'abandonne pas. Y'a rien à faire. Sauve-toi, sauve-moi, sauve-moi, sauve-toi. Y'a rien à faire, je suis malheureux sans toi. Y'a rien à faire, tu me manques et puis voilà.